Le général Schall avait-il reçu des assurances des Américains avant de se lancer dans son aventure putschiste? La réponse à cette question est toujours controversée. Voici par exemple ce qu'écrit l'historien anglo-saxon Alistair Horn dans son « Histoire de l'Algérie » publiée en 1980 chez Albin Michel. L'une des plus bizarres illusions des conspirateurs, surtout depuis les récentes révélations sur les activités tentaculaires de la CIA, concerne la possibilité d'une aide américaine. Il courait en France à l'époque des rumeurs persistantes sur un engagement clandestin des États-Unis. Sans aucun doute, durant la période où il était à l'OTAN, Schall, qui était populaire, s'était solidement lié d'amitié avec des généraux américains qui ne faisaient pas mystère de leur aversion pour ce que De Gaulle faisait de l'OTAN. Après une pléthore de scotch, ils allaient jusqu'à exprimer leur enthousiasme pour quiconque pourrait débarrasser la France de son turbulent président, ou au moins l'amener à changer de ton. Si l'on peut excuser Schall et ses compagnons d'avoir pris ces bavardages pour argent comptant, il convient de tenir compte de l'ambiance qui régnait alors. 4 jours avant qu'on éclate la rébellion en Algérie, le nouveau régime Kennedy, qui n'avait pas encore fait ses preuves, avait lui-même lancé son propre putsch, l'aventure de la baie des cochons contre Cuba et Fidel Castro. D'autres auteurs, Jean-Jacques Servan-Schreiber par exemple, sont au contraire persuadés que des agents secrets américains ont encouragé le général Schall et d'autres officiers à barrer la route au communisme en Afrique du Nord en s'opposant par la force à tout accord avec le FLN algérien, considéré par certains services américains comme déjà soumis à l'influence sino-soviétique. Même son de cloche, dans un éditorial du célèbre journaliste américain Joseph Alsop, qui dès le 25 avril 1961 souligne dans le New York Herald Tribune les liens qui existent entre ses compatriotes et les généraux putschistes. Quant à Geneviève Taboui, elle n'hésite pas à affirmer que la participation des services spéciaux américains au putsch est un secret de polichinelle. Vous laissez entendre que les Américains ne vont pas tenir les promesses qu'ils ont faites au général Schall. Hein, c'est exact. Mmh. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. La CIA a réussi un premier coup en persuadant Schall de se lancer dans l'aventure et donc en mettant en difficulté le général de Gaulle. Et elle attend, avant de s'engager plus avant, de savoir comment les choses vont tourner. Ouais, et assez vite, les choses, comme vous dites, vont mal tourner pour les généraux putschistes. Hein. Mais tout à fait. Donc les Américains vont faire marche arrière. Et le président Kennedy, le premier, va faire savoir au général de Gaulle qu'il lui apporte naturellement son soutien, militaire au besoin. Un soutien que d'ailleurs de Gaulle rejettera avec mépris. Ouais, le contraire m'eût étonné. Vous imaginez Washington venant au secours de Gaulle? Impensable. Mais ne vous y trompez pas, si les putschistes d'Alger avaient gagné, les Américains auraient été les premiers à leur adresser un télégramme de félicitations. Mmh. Je le trouve bien partial quand même. Non, je suis simplement aussi réaliste que l'ont été les Américains dans cette affaire. Réaliste ou cynique? À vous de juger. Enfin, ouais. Je voudrais revenir un petit peu en arrière si vous voulez bien. C'est-à-dire avant même le déclenchement du putsch. La CIA ne s'est pas contentée d'influencer le général Schall, peut-être à son insu d'ailleurs. Vous voulez dire que Schall ne se serait pas rendu compte qu'on essayait de le manipuler? C'est très possible. En tout cas, pour être tout à fait honnête, il faut dire que Maurice Schall a toujours nié avoir eu le moindre rapport avec une puissance étrangère. J'ai bien compris, mais vous vouliez me parler de ce qui avait précédé le putsch, hein? J'y viens, oui. Les gens de la CIA ne se sont pas seulement intéressés au général Schall, même si, à l'évidence, c'était la pièce maîtresse de leur dispositif en raison de ses opinions modérées et de sa popularité dans l'armée. Alors, à qui d'autre se sont-ils intéressés? Bien, les agents de la CIA ont suivi de très près tous les activistes qui s'agitaient en Algérie et en métropole. Il ne fait nul doute qu'avant même le putsch, ils connaissaient parfaitement le plan des insurgés. Ça veut dire que s'ils avaient été de bons alliés, ils auraient dû avertir les autorités françaises. C'est certain. Je peux même vous dire que Braun, le chef d'antenne de la CIA à Paris, qui était marié à une pied-noire, entretenait des contacts réguliers avec les factieux et envoyait régulièrement à Washington des informations qui faisaient état du mécontentement croissant des officiers français. Un mécontentement qui était par ailleurs réel. Ouais. Et ces rapports ne pouvaient qu'encourager les Américains à prêter une oreille attentive aux futurs putschistes. Bien entendu, d'autre part, un peu avant la mi-avril, c'est-à-dire une dizaine de jours avant le putsch, une réunion secrète s'est tenue à Madrid, où Salan et d'autres activistes avaient trouvé refuge. Une réunion entre qui et qui? Le général Salan était présent, les autres participants français appartenaient à la même mouvance, mais l'homme le plus important était un agent américain. Et il était chargé de dire à Salan que les États-Unis reconnaîtraient le gouvernement issu du putsch dans les 48 heures. Mais cet agent Parler au nom de qui? De la CIA, vraisemblablement. Mais encore une fois, la Maison-Blanche n'avait pu être totalement tenue dans l'ignorance. Enfin, j'ajoute que les États-Unis n'ont pas été les seuls à encourager les putschistes. Ah bon? Qui d'autre? Les services allemands. Les services allemands qui étaient alors dirigés par le fameux général Gehlen. Oui, un anticommuniste résolu et un ancien nazi qui s'était mis dès la fin de la guerre au service des Américains avant de créer le BND, c'est-à-dire le service secret de l'Allemagne de l'Ouest. Et le BND était demeuré, bien sûr, très lié à la CIA. Ah oui. Donc Gehlen a aidé les putschistes, lui aussi? Je n'ai pas dit aider, j'ai dit encourager. La nuance est importante. Ouais, enfin, en tout cas, quand les putschistes d'Alger se lancent dans l'aventure, ils sont donc sûrs de bénéficier de solides appuis. Oui, mais ils vont échouer. Et bien sûr, leurs appuis vont s'évanouir dans la nature. Une question quand même. Est-ce qu'ils avaient, selon vous, une chance sérieuse de réussir? Certainement. Mais les putschistes n'étaient pas suffisamment préparés et organisés. D'autre part, ils avaient sous-estimé la détermination du général de Gaulle et la résistance qu'allait opposer le contingent à leur coup de force. Enfin, il y avait Schall lui-même. Que voulez-vous dire, la Schall? Schall n'était pas un fasciste. À la différence de beaucoup d'autres conjurés, il voulait simplement mettre le FLN hors d'état de nuire. Pour sauvegarder l'Algérie française. Oui, c'est pourquoi il s'est opposé à ce que le coup d'État s'étende à la métropole. C'était pourtant le seul moyen de réussir. Envoyer les parents en France. Et surtout renverser de Gaulle. Tant que de Gaulle restait au pouvoir, le putsch d'Alger ne pouvait pas réussir. Après le putsch, il y a eu l'OAS. Est-ce que la CIA, par exemple, a continué de soutenir les rebelles? Les relations se sont poursuivies, dans la plus grande discrétion, bien sûr, et quelquefois par l'intermédiaire de mouvements américains d'extrême droite comme la John Birch Society. Ouais. Donc toujours dans le but de se débarrasser du général de Gaulle? Bien évidemment. Le général Salan, chef de l'OAS, a eu de nombreux contacts avec les Américains. Il voulait essentiellement des armes. Son ambition, c'était de constituer une armée secrète comptant plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Pire. Il s'est adressé aux États-Unis pour équiper cette armée? Tout à fait, oui. Et la CIA a sérieusement envisagé d'accéder à sa demande. La manœuvre prévoyait qu'une dizaine de bateaux chargés de dizaines de tonnes d'armement appariraient au Portugal à destination de l'Algérie. Mais au dernier moment, la Maison-Blanche a annulé l'opération. Pourquoi? Parce que Kennedy a réalisé que le jeu n'en valait pas la chandelle. Non seulement il doutait que l'OAS puisse parvenir à ses fins, mais il savait bien qu'une livraison d'armes de cette importance, si elle était connue des services français, entraînerait d'innombrables difficultés avec Paris. Enfin, c'est quand même troublant que Washington ait pu envisager une telle opération. Très troublant, oui. Et à la mesure de la haine que suscitait le général de l'autre côté de l'Atlantique. Donc pour vous, c'est clair, les Américains ont été impliqués dans le putsch et même les actions de l'OAS. Oui, même si parfois on en a rajouté. C'est-à-dire? Il était quand même tentant pour les Soviétiques d'en profiter et de tenter à l'occasion une de ces opérations de désinformation dont ils étaient devenus les maîtres. Ils l'ont fait vraiment? Oui. Dès le lendemain du putsch, la Pravda publie un article accusant des agents de la CIA d'avoir soutenu les insurgés. Ouais, mais les Soviétiques auraient pu bénéficier de renseignements sûrs. Non, je ne crois pas qu'ils aient eu la preuve de l'implication des Américains. Mais c'est drôle, ils accusent sans même savoir à quel point ils ont eu raison d'accuser. Alors au fond, ce n'était pas de la désinformation? Si, c'était de la désinformation, mais il arrive que le mensonge soit plus vrai que la vérité. J'ai cité le livre de Vincent Jauvert, L'Amérique contre De Gaulle, au début de cette émission. J'en extrais ces quelques lignes particulièrement édifiantes. 3 mois avant le putsch, juste après le oui massif au référendum sur l'autodétermination de l'Algérie, la CIA est déjà au courant des complots qui se trament contre De Gaulle. Alain Dulles, son patron, écrit à Kennedy, qui vient tout juste d'entrer en fonction. Il règne en France une atmosphère pré-révolutionnaire. Les armées de terre et de l'air sont fermement opposées à De Gaulle. Au moins 80% des officiers sont violemment contre lui. Ils n'ont pas oublié qu'en 1958, De Gaulle avait donné sa parole d'honneur qu'il n'abandonnerait jamais l'Algérie. Il revient maintenant sur sa promesse et ils le haïssent pour cela. Que va-t-il se passer? Le maître espion est formel et alarmiste. De Gaulle ne durera certainement pas s'il tente de laisser partir l'Algérie. Tout sera fini pour lui. Probablement, avant la fin de l'année, il sera soit déposé, soit assassiné. Autant d'arguments qui ne pouvaient qu'encourager Washington à s'intéresser aux putschistes. Le livre de Jauvert est paru aux éditions du Seuil. Enfin, face aux généraux putschistes, la réaction du général de Gaulle a été très ferme et sans aucune ambiguïté, c'est en tout cas ce qu'en a retenu l'opinion publique. Toutefois, le président français a été plus touché qu'il n'y paraissait. Et selon Bernard Tricot, qui fut son conseiller pour les affaires algériennes, de Gaulle a même envisagé le pire au tout début de la crise. L'ancien haut fonctionnaire en a fait la confidence à Patrice Gélinet dans son émission « L'histoire en direct » diffusée sur les antennes de France Culture. Je cite Tricot qui cite lui-même le général. Les généraux prendront le pouvoir. Ils seront très isolés en France. Les Français ne les aiment pas. Alors, il faudra que ces malheureux trouvent un appui à l'étranger. Alors, ils iront chercher de l'aide aux USA. C'est leur pente naturelle. Ce sont des militaires. Ils sont habitués à travailler dans le cadre de l'OTAN. Ils s'adresseront à leurs amis américains. Et alors, je ne sais pas ce que feront les Américains, mais si les Russes apprennent que les généraux putschistes, devenus les maîtres de Paris, se tournent vers les Américains, ça va être une crise internationale majeure. Les Russes ne peuvent pas tolérer que la France tombe sous le coup de généraux alliés des Américains. Alors que voulez-vous ? Il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, ça soit la guerre. Une guerre atomique, bien sûr.